chaque jour que faire. Je te vois et subitement tu disparais. L'amour que tu avais pour moi est mort à jamais. J'en ai douté parfois, mais maintenant je le sais. Aujourd'hui, me voici face à toi. Je suis venu à nu te faire part de nos peines, mais aussi de nos joies. C'est avec toi que j'ai connu l'amour suprême. Amour suprême, fier et droit, et pour retrouver cet amour, je...